Pour parler du passé, on a déjà vu le passé avec plongeoir et le passé sans plongeoir. Alors, maintenant, on est toujours dans la piscine. Mais cette fois-ci, on fait des longueurs. Une longueur suivie d'une autre longueur. Et ainsi de suite, c'est une action qui se répète. Eh bien, le temps qu'on emploie pour parler des longueurs qu'on faisait dans la piscine, dont de ce qu'on faisait de manière répétée dans le passé, c'est l'imparfait. Par exemple, quand on dit « j'allais souvent au restaurant »,« je le faisais tous les jours », etc., c'est une action qui se répète dans le passé. En espagnol, c'est la même chose qu'en français. Et ce temps de longueur est exprimé par la terminaison « ab » pour les verbes « en ar » et « ia » pour les autres verbes. On l'avait déjà vu, mais maintenant, je voudrais y revenir. Donc, « ab » pour les verbes « en ar » et « ia » pour les verbes « en er » et « ir ». Alors, je parlais avec elle tous les jours. Ça sera « Hablaba con ella todos los días ». Bien, « hablaba con ella todos los días ».« Hablaba con ella todos los días ». Et il parlait. « Hablaba ». « Hablaba ». Et elle parlait. « Hablaba ». « Hablaba ». Vous, usted, parliez. Hablaba. Hablaba. Et il ou elle au pluriel, il ou elle parlait. Hablaban. Hablaban. Donc, vous voyez, c'est très facile. Pour les verbes en ar, on a aba, aba, aba, et aban, abas, abamos. Et pour le verbe en er et ir, on a ia. I, accent aigu, A. Parce que à l'oral, on insiste sur le I. Ia, ia, ia. Et ian, ias, iamos. Donc, aba et ia. Aba et ia. Encore une fois, ils appelaient tous les jours. Se dit